Sa douceur hémophile, j'oublie mes blessures mais pas mes douleurs. À coup sûr la traîtrise de l'amour nous laissera sans cœur. J'oublie toutes mes peines, oublie toutes mes peurs, toutes les larmes que nos mères pleurent. Tous mes textes une thérapie, Diox et Elia, émotif sur chaque piste. Oublions nos mots, ça rend dépressif. Pour ma part j'oublie mais je garde ce côté impulsif, ce qui fait de moi un artiste, pratiquant un artiste. J'oublie la déception, m'enfume sur ma street. Un peu de mauvaise herbe, j'rime pas pour la triche. Le jour où je mentirai, dites à la famille, je serai pas égoïste. Pourquoi je mentirai, mon cœur est froid comme un glaçon, j'insiste. Elia soulage mes plaies. Un peu de rap musique s'il vous plaît. Get your pain, get your mistakes. Just leave your dream. Jusqu'au bout de ma plume, j'ai la faiblesse de mon bitume, la souplesse de ma plume. J'oublie ma détresse et mon amertume. C'est moi là, l'oubli m'enlace, je me sens comme bien là. Combien de chèques pour une réussite, combien de larmes pour un sourire, combien de vrais pour nous soutenir. Combien de fois on dit jamais, pourtant on le fait. Négro Diox et K.L. Marmo. Oublie ma rage, renforce les mots. Personne ne naît sans un seul défaut. On est, on meurt, chacun ses faiblesses. Chacun ses faiblesses. Tout l'heure, tout ce qui te blesse. Ce qui te plaît reste en jeu sans complexe. Sans complexe. Une vie plus belle que dans les terres. Oublie ces malins, ce qui te taise. Ce qui te blesse. C'est ta conscience qui reste. Get your